se voit, on s'entend tout bas. Ton sourire, je le vois. Il est là, dans ma tête de bois. Il repasse avec ta voix. On se frôle, soudain je contrôle. C'est ton âme drôle, tu es là. Alors je m'envole, j'ai pas trop souvent de bol. Plus d'envie, je vais t'attendre toute la nuit. C'est fini, j'ai plus d'envie. Je n'aime plus ma belle vie. Dans le noir, la lumière brille. Ce sont tes yeux qui scintillent. Il est tard, mais je me rhabille. Je marche vers toi en vie. Toi, y'a que toi. Toi, y'a que ta voix. Toi, tu ne quittes pas. Toi, tu me dis parfois. Toi, y'a que toi. Toi, y'a que ta voix. Toi, tu ne quittes pas. Toi, tu me dis parfois. J'ai les mots, on se parle peu. Arrête-toi là, si tu veux. Je te veux, toi y'a pas mieux. De toi, je suis amoureux. On se voit, on s'entend tout bas. Ton sourire, je le vois. Il est là, dans ma tête de bois. Il repart, avec ta voix. Toi, y'a que toi. Toi, y'a que ta voix. Toi, tu ne quittes pas. Toi, tu me quittes parfois. Toi, y'a que toi. Toi, y'a que ta voix. Toi, tu ne quittes pas. Toi, tu me quittes parfois. Yeah.